et tandis que Madame Verdurin disait à son mari « Allons, donne de l'orangeade au pianiste, il l'a bien mérité. » Swann racontait à Odette comment il avait été amoureux de cette petite phrase. Car Madame Verdurin, ayant dit d'un peu loin « Eh bien, il me semble qu'on est en train de vous dire de belles choses, Odette. » Elle répondit « Oui, de très belles. » Swann trouva délicieuse sa simplicité.